À l'occasion de la journée de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du parti, les permanents et les membres de l'Union des femmes coréennes ont visité les anciens théâtres de combat révolutionnaires dans le district du Mont Paektu depuis le 17 jusqu'au 22 juin. Les pèlerines ont fleuri et rendu hommage devant les statues en bronze du président Kim Il-sung, des monuments à la bataille de Pochonbo et à la bataille du district de Musan, de l'ancien théâtre de combat révolutionnaire de Pochonbo, du campement de Chongbon et au bord du lac Samji, ainsi que devant la fresque en mosaïque des trois généraux du Mont Paektu dans l'ancien camp secret du Mont Paektu. Pendant la visite, elles ont parcouru les centrales des jeunes héros de Paektusan et livré les activités politiques et culturelles.